بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 45 dans عمدة الأحكام, le شرح de Cheikh عبد الله البسام. Et on est toujours dans le chapitre de la salat et la description de la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. On va commencer donc aujourd'hui le hadith numéro 87. Et c'est le hadith rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte ce hadith, il dit: je n'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était plus légère et plus complète que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa prière était complète et elle était légère en même temps, elle n'était pas lourde. Donc ça, c'est un exemple de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va lire les explications. Le Cheikh al-Bassam, il dit: المعنى الإجمالي ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Cheikh al-Bassam, il dit que dans ce hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que il n'a jamais prié derrière un imam parmi les imams, excepté que la prière derrière le plus grand imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été plus légère, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop lourde pour les gens qui prient derrière lui. Et puis en même temps, lorsqu'ils terminent de prier, ils ont encore envie de retourner, hein, ou de prier encore, parce que la prière était pas trop lourde pour eux. Et en même temps, il dit: ni je n'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière était plus complète, hein, que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa salat malgré qu'elle était légère, mais en même temps elle était complète, et il faisait sa prière de façon parfaite, sans avoir aucun manquement dans le fait d'être assidu dans cette prière. Il préservait ses obligations et ce qui est recommandé également dans cette prière. Et ça fait partie des effets de sa bénédiction, sallallahu alayhi wa sallam. Et à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni. Le hadith, ensuite, le cheikh, il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer comme principe ou comme règle de ce hadith-là. Et il dit ma yu'khadhu min al-hadith, ma yu'khadhu min al-hadith anna al-imam an ya'ti al-imam bis-salati, an ya'ti al-imam bis-salati khafifa hatta la yashqa 'ala al-musallin wa tamaman hatta la ينقص من ثوابها حتى لا ينقص من ثوابها شيء. فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيف وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. Donc le cheikh il explique que l'imam doit avoir une prière qui est légère pour ne pas que sa prière soit trop lourde pour ceux qui prient derrière lui, et elle doit être complète de façon à ce qu'il n'y ait pas de manque dans sa récompense. Donc elle doit être complète dans le fait de faire ses obligations et qu'est-ce qui est recommandé, sans que ce soit non plus trop long, et en même temps aussi être légère de manière à ce que on se limite à faire qu'est-ce qui est obligatoire, hein, les obligations de la prière et certaines des choses qui sont recommandées aussi. Le deuxième point, le cheikh il dit anna salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal as-salat فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتضاء بالاقتداء ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر. Donc le deuxième point, c'est que la prière la plus parfaite, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui veut faire la salat, qu'elle fasse en sorte que sa prière soit le plus possible comme celle du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la récompense de suivre son exemple et pour obtenir le succès de la plus grande récompense. Et le point numéro 3, fihi jawaz imamati al-mafdhul lil-fadil wa ala taqdiri anna Anasan radiyallahu anhu afdalu mimman yusalli bihi غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. Donc ici le cheikh il explique qu'il est permis pour l'imam, hein, c'est-à-dire que c'est permis que quelqu'un soit imam, hein, et que tu sois la personne qui soit derrière elle soit meilleure que lui. C'est-à-dire que l'imam, c'est possible qu'il soit imam et qu'il y a quelqu'un derrière lui qui prie derrière lui et qui est meilleur que lui. Et il prend comme preuve à ce sujet-là le fait que Anas, radiyallahu anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prié derrière plusieurs imams. Et ça, c'est pour dire que Anas, radiyallahu anhu, a été meilleur que plusieurs d'entre ceux qui ont prié devant lui après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est connu que il a vécu très très longtemps, il a vécu plus que 100 ans radiyallahu anhu, et donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu longtemps et donc il a prié derrière beaucoup de gens, et parmi eux c'est certain que certains d'entre eux ont été moins disons, avait moins de mérite que lui. Mais malgré tout, il pria derrière eux. Et le cheikh, il dit que l'imam de la mosquée, il a précédence sur les autres personnes qui prient avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui l'imam qui a été établi, qui est fixe. Et donc, ceux qui prient derrière lui, même s'ils sont meilleurs que lui, l'imam Ratib il a précédence. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne que le dirigeant il est la même chose que l'imam Ratib, il est comme l'imam fixe, l'imam a signé pour une mosquée. C'est-à-dire que le dirigeant, c'est, en principe, c'est lui qui a précédence pour diriger la salat et en même temps aussi pour faire la prière de Eid et ainsi de suite. Avant, c'était comme ça. C'était le dirigeant qui dirigeait la salat. Puis par la suite, bon, ça, les choses ont changé. Mais c'était comme ça à l'époque, avant. Le cheikh il dit, « Wa an Abi Qilaba » Ça c'est le hadith suivant, le hadith 88. « An Abi Qilaba, an Abdillah ibn Zayd al-Jarmi al-Basri, قال, جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. Donc je vais le relire encore une fois. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض رواه البخاري ومسلم وأراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وهذا الحديث هو من الشيخ البسامي زي ند بتاج هذا الحديث هو من أفراد البخاري قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين لم يخرج مسلم هذا الحديث لم يخرج مسلم هذا الحديث وسهى المصنف في إراده من المتفق عليه. Donc ici le cheikh il dit, l'auteur il a mentionné que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Toutefois ce hadith il fait partie des hadiths qui sont uniquement rapportés par Al-Bukhari. Donc l'auteur il s'est trompé en disant ici qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, puisque Muslim ne l'a pas rapporté. Il est rapporté seulement par Al-Bukhari. Il dit ensuite, المعنى الإجمالي يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها وإنما قصد تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم فقال الراوي عن أبي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل صلاة شيخنا أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما. Donc ici le cheikh il explique que Abu Qilaba il dit que Malik ibn al-Huwayrith, un des Sahaba, est venu dans leur mosquée. Et il dit que je suis venu pour vous. Je ne suis pas venu avec l'intention de faire une prière pour dans le but de faire de l'adoration, d'adorer Allah par cette prière-là, mais plutôt je suis venu en particulier pour faire la salat, pour vous enseigner comment faire la salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait, par l'exemple. Donc de vous enseigner par l'exemple pratique. Parce que lorsque quelqu'un montre un exemple pratique, c'est quelque chose qui est plus qui reste plus dans la mémoire. Et il dit ensuite que le narrateur Abu Qilab, il dit comment est-ce que Malik ibn al-Huwayrith vous a montré comment, ou vous a enseigné comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat. Et il a dit, il faisait la salat comme votre cheikh ou notre cheikh Abu Yazid Amr ibn Salam al-Jurmi. Il a dit, il s'assoyait légèrement lorsqu'il se relevait du sujoud avant de se lever. Il s'assoyait légèrement quand il se relevait la tête du sujoud avant de se relever. Et le cheikh, il explique, il dit, ikhtilaf al-ulama. Donc il va parler maintenant des divergences entre les ulama sur cette question. الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في إباحتها وإنما الخلاف في استحبابها فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه وأحمد في إحدى الروايتين واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن المحدثين الثوري وإسحاق ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك والمشهور وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني على تركها وقال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد تلك السنة ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة وقال ابن قدامة في المغني وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. Donc le cheikh il explique ici que les ulama ils ont divergé au sujet de cette sunna qu'on appelle jalsatul istiraha, c'est-à-dire que quand tu dois te relever après avoir fait le sujoud, tu fais après avoir fait les deux prosternations, tu te relèves, mais avant de te relever tu fais une petite pause en t'assoyant légèrement quelques instants, quelques secondes, tu t'assois avant de te pousser pour te relever debout. Donc c'est ce qu'on appelle jalsatul istiraha. Et la divergence, c'est pas de savoir est-ce que c'est permis de le faire ou non, puisque il n'y a pas de divergence entre les ulama que de faire que de le faire est permis. La divergence est uniquement au sujet de est-ce que c'est recommandé ou non. Est-ce que c'est recommandé de le faire ou non? Et parmi les ulama qui ont considéré que c'était recommandé de le faire, il y a l'imam Shafi'i dans la position célèbre de son madhab, de même que l'imam Ahmad dans une des deux narrations qui a été rapportée de lui. Et c'est la position qui a été choisie par un de ses compagnons, un des compagnons de l'imam Ahmad, yani Al-Khalal, et il dit, il se base sur ce hadith authentique qu'on a lu aujourd'hui, qu'on vient de lire. Ensuite, il dit qu'il y a d'autres ulama qui ont considéré que ce n'était pas recommandé. Parmi les sahaba, premièrement, Omar et Ali et Ibn Mas'ud et Ibn Omar et Ibn Abbas. Et parmi les savants de hadith, l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri, l'imam Ishaq Ibn Rahouya, et parmi les imams, c'est-à-dire les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, et la position célèbre du mazhab de l'imam Ahmad, hein, c'est aussi que ce n'est pas recommandé. Et il dit que la plupart des hadiths, l'imam Ahmad a dit la plupart des hadiths, ala hada, yani la plupart des hadiths sont sur cette position, c'est-à-dire de ne pas le faire, de ne pas faire cette pause, hein, cette jalsa. At-Tirmidhi, par contre, At-Tirmidhi, lui, il dit que c'est ce que les ulama ont fait. Hein, ça, c'est la position des ulama. C'est comme ça qu'ils ont agi. Et Abu Zunad, il a dit, tilka sunnah. Donc, ici, d'après moi, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, la parole de l'imam At-Tirmidhi et de Abu Zunad. C'est-à-dire de ne pas le faire, puisqu'ils l'ont mis après la parole de l'imam Ahmad. Donc, d'après moi, ils voulaient dire que c'est. Ils considèrent que c'est pas recommandé de le faire. Toutefois, certains ulama ont dit que de le faire lorsque c'est nécessaire, ou lorsqu'il y a un besoin plutôt, lorsque quelqu'un, par exemple, est âgé. Hein, ou qu'il est faible et avant de se relever il a besoin de s'asseoir pour se donner un élan ou pour se pousser pour être capable de se relever. Donc eux ils considèrent que dans ce cas-là oui, c'est quelque chose de bien. Toutefois Ibn Qudama dans le Mughni il dit que ça c'est une position qui est dans le sens de dire que de le faire pour un besoin quelconque, soit parce que la personne est âgée ou faible, que c'est une façon de réunir entre les deux positions. Et c'est une position intermédiaire entre les deux, et aussi que c'est pour réunir les différentes narrations qui ont été rapportées à ce sujet. Il mentionne ensuite les points qu'on peut tirer de ce hadith-là. Il mentionne 5 points. Le premier point, استحباب جلسة الاستراحة وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة. Donc il dit, premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est que c'est recommandé de le faire. Et on a mentionné que le hadith authentique est une preuve pour établir que c'est quelque chose qui est recommandé lorsqu'il y a un besoin de le faire. Le deuxième point, أن موضعها عند النصوص من السجود إلى القيام. Donc il dit que la place ou le moment où on doit faire cette pause, hein, et s'asseoir, c'est lorsque on s'est relevé du sujoud puis on veut se lever debout. Donc on fait cette assise légère, hein, on prend une pause légère en s'assoyant quelques instants avant de se relever. Le point numéro 3, أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام ولهذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. Donc il dit que il dit que le but de cette pause, c'est pour reposer, c'est pour que la personne se repose, parce que le sujoud c'est très écarté par rapport à la position debout. Hein, la prosternation c'est éloigné de la position debout, et donc c'est pour se reposer, hein, avant de se relever. Et c'est sûr que c'est pas long, mais c'est juste une légère pause. Et puis en même temps, il n'y a pas de takbir spécifique ou de rappel spécifique à faire durant cette pause-là. Il dit wa jawazu at-ta'lim bil fi'l yakun abqa fi dhihn al-muta'allim. Donc la permission de faire un acte dans le but d'enseigner et d'enseigner par l'exemple, ça c'est permis, pour que cette chose puisse rester dans l'esprit de la personne qui apprend plus facilement. Et le point numéro 5, jawazu fi'l al-ibada li ajli at-ta'lim wa annahu laysa min at-tashriq fi al-'amal fa inna al-asl al-ba'ith 'ala hadhihi as-salah huwa iradatu at-ta'lim wa huwa qurbatun kama anna as-salata qurbah. Donc il dit que on voit ici dans ce hadith la permission de faire une adoration dans le but de l'enseigner, et que il n'y a pas de shirk dans cette ou d'association dans cette action là car à la base, qu'est-ce qui pousse à faire cette salat, c'est l'intention d'enseigner ou la volonté d'enseigner, et ça c'est également un moyen de se rapprocher d'Allah, de la même manière que la prière elle-même est une façon de se rapprocher d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis on continuera au prochain cours, bi'ilnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.